Comme on peut lire dans le programme, ce colloque international entend réfléchir sur la notion de clergé de cour en Europe sous l'Ancien Régime, que nous pouvons définir, et je reprends le texte du programme, de manière large comme l'ensemble des membres du clergé qui entraient dans la curia regis pour y recevoir ou y remplir une charge ou une mission, le plus souvent validée par un office, une commission et ou une dignité s'exerçant, soit dans le cadre de la chapelle, grand aumônier, prédicateur, confesseur, soit dans celui du conseil et de ses prolongements administratifs. Diplomatie, armée, information. Ce n'était pas très difficile de choisir un confesseur d'un roi portugais et étudier les formes de direction spirituelle ou de conscience. Bien qu'il soit parfois très difficile à préciser comment se concrétisent ces formes d'action et de pression. Il y a quand même des exemples à étudier dans ce cadre de recherche au Portugal, si l'on pense par exemple aux conséquences de la substitution dans le cas de Dom João V, qui a régné presque toute la première moitié du XVIIIe, depuis 1707 jusqu'à 1750, d'un confesseur jésuite par un confesseur oratorien. En tout cas, il m'a semblé plus intéressant pour le thème de ce colloque d'apporter le cas d'un noble, Dom Gaspar Moscoso e Silva, conde de Povolide, qui à un moment de sa vie a souffert une sorte de conversion, entre guillemets, est entré en religion au couvent franciscain du Veretojo, connu par ses missionnaires, paladine d'un renouveau spirituel de tendance rigoriste, et qui, beaucoup d'écrits de son temps, ont considéré responsable pour les options politiques du moins des trois dernières années du règne de Dom João V. C'est sur cette personnalité, qui n'a pas encore été objet d'une biographie circonstanciée, que je viens vous parler, disons, donc, d'un exemple de clergé de cour de la première moitié du XVIIIe au Portugal, quelqu'un pour qui, on peut certainement le dire, l'harmonie du monde et celle de l'âme dépendaient de la soumission du corps, des sens et des passions. Frei Gaspar da Encarnação, issu d'une noble et ancienne famille portugaise, naquit en 1685 et mourut en 1752. Comme j'ai dit, il s'appelait Dom Gaspar de Moscoso e Silva et appartenait à une noble famille. Il était comte de Povolide. Docteur en droit canon par l'Université de Coimbra, dont il fut le recteur entre 1710 et 1715, il entra au couvent franciscain de Saint-Antonio do Veretojo, fondé par Antonio de Chagas, qui a vécu entre 1631 et 1682, et qui était connu pour son programme spirituel rigoriste qui a motivé un renouveau missionnaire et qui était, le couvent, un foyer de missionnaires apostoliques dont on a des témoignages, des lettres, des mémoires, des biographies, du retentissement des sermons qui appelaient au repentissement des péchés, à la confession fréquente, à la pratique quotidienne de l'oraison mentale. On peut vraiment dire que ce moment constitue une véritable conversion dans la vie de Frei Gaspar, qui avait 30 ans. Bien que, on le sait trop bien, il soit souvent très difficile de cerner avec précision, et cela tient au manque de sources directes, la nature des dévotions privées et la nature indécise des cheminements personnels et des processus de conversion intérieure. Après, Frei Gaspar est devenu très proche des chanoines réguliers de Saint-Augustin et le 24 avril 1723, le pape Innocent XIII le nomme pour 2 ans visiteur et réformateur du collège de Santa Cruz de Coimbra. À ce moment, À ce moment-là, Frégespaard était déjà complètement absorbé par le programme spirituel à tendance rigoriste nommé Jacobaya, pas encore complètement connu, surtout du fait de l'ampleur du réseau dévot dans la grande noblesse de cour. On le dit très proche du roi, même quand il était à l'université de Coimbra, avant même sa conversion. Il fut choisi comme responsable de l'éducation des trois filles naturelles de Don Juan V, de Jean Cam. Conseiller de roi pendant des années, il fut ministre du cabinet entre 1747 et 1750, après la mort du principal ministre de Don Juan V, le cardinal de Motta, et on lui assigne très naturellement une lourde responsabilité dans les options politiques de ces trois années jusqu'à la mort du roi en 1750, sur qui il exerça une influence prédominante pendant les années où le roi était malade à la suite d'une apoplexie. Alors, une petite nouvelle de Gazette de Lisboa disait qu'en 1742, au mois de mai, Sa Majesté subit une si forte paralysie qu'elle perdit toute la vigueur nerveuse et n'arriva plus à se tenir debout. Pendant 8 ans, elle fut contrainte d'utiliser une chaise jusqu'au 33 juillet, où elle rendit l'âme dans son palais de Lisbonne. Comme chef d'une réforme spirituelle appelée Jacobaya, sur laquelle je reviendrai, Frégespaard a fait l'objet des interprétations de l'historiographie libérale, surtout du 19e, mais avec ses avatars au 20e siècle, qui lui assignaient des responsabilités majeures dans le gouvernement d'un roi bigot, affaibli par la maladie, et le repentir d'une vie dissolue. On ne peut pas oublier que deux enfants naturels, comme j'ai dit, du roi, avaient pour mère deux religieuses. La plus récente bibliographie hésite à souligner ou à diluer les responsabilités de Frégespaard dans les affaires politiques. Et plus récemment, José Pedro Paiva, qui est avec nous, a clairement montré comme il a joué un rôle majeur dans la nomination des évêques à tendance spirituelle jacobaïenne. En tout cas, le problème central pour étudier la figure de Frégespaard, c'est qu'un bilan critique des sources disponibles n'a pas encore été dressé, qui permettrait de restituer une part de son influence politique et diplomatique auprès du roi. On pourrait dire, surtout à partir des sources ultérieures, du temps du marquis de Pombal, surtout, qu'il existe une certaine légende noire de Frégespaard, non seulement du fait de ces 3 années où il fut d'une manière plus proche conseiller de roi, voire une sorte de premier ministre, mais aussi beaucoup plus tôt, comme s'il était responsable d'une action déguisée d'une sorte de conseiller politique auprès d'un homme d'État. De ce point de vue, peut-être faudrait-il élaborer un plan de recherche qui, en dressant un bilan des sources disponibles, des lettres en tant que directeur de conscience, la correspondance politique, des pamphlets, parce qu'il y en a plusieurs, des prologues des ouvrages qui lui sont dédiés, comme témoignage d'un réseau d'influence et de sociabilité, soit capable d'étudier avec précision sa famille, son rapport avec le roi, le moment de sa conversion, parce que vraiment, quand tu rejoins les franciscains de Veretoche, comme j'ai déjà souligné, ce qu'on a connu à la fin du XVIIe comme le foyer d'un programme de renouveau spirituel rigoriste diffusé par des missionnaires, il adhère à un modèle de spiritualité qui entend influencer les milieux dévots et ecclésiaux dans la construction d'un ordre social hiérarchisé et participe à la définition d'un modèle de piété. Essayons de tracer un bref itinéraire de questions qui se posent dans le parcours de cette figure devenue marquante dans l'univers de l'Église d'abord et dans l'univers de la politique ensuite, bien qu'il soit pour l'heure difficile d'en reconstituer l'enchevêtrement ou les inflexions éventuelles. Pour bien comprendre l'action de Frère Gaspard d'Incarnation comme une forme d'action religieuse, apostolique et politique du clergé de cour, dans ce cas précis, dans la première moitié du XVIIe au Portugal, il faut s'arrêter sur ce mouvement de renouveau spirituel appelé Jacobaïen, initié au début du siècle, du XVIIIe siècle, et qui a déjà été considéré comme un programme de très janséniste, entre guillemets, surtout par la dimension de la rigueur d'une piété régulée, disons, au sens de la regulata devozione dei muratori, mais aussi par une vision pessimiste du salut et le besoin absolu d'un directeur spirituel. Bien que je continue à penser qu'il y a des différences notables, parce que, il me semble, le programme a évolué, surtout après les années 40 du XVIIIe. Comme l'a très bien dit Everton Salge de Sousa, qui a étudié aussi le problème, à la seconde moitié du siècle, du XVIIIe siècle, dans la croisade contre les jésuites, la couronne portugaise a remplacé systématiquement les ouvrages de penchant ecclésiologique ultramontant par d'autres de caractère gallican. Elle a aussi appuyé la critique et l'abandon du probabilisme perçu comme source d'une morale relâchée diffusée par les jésuites. C'est surtout par le biais des aspects moraux et ecclésiologiques que les idées jansénistes se sont répandues. Et on peut dire que s'il y a une période essentielle de la construction du jansénisme portugais, il s'étend des années 1760 à la fin du règne de Joseph Ier, de Don José Primeiro, en 1767. Elle accompagne ainsi la politique réformatrice du nouveau gouvernement qui se fait sentir de façon de plus en plus forte avec l'arrivée du futur marquis de Pombal au ministère des Affaires du Royaume en mai de 1756. La tournure régaliste que prend le gouvernement portugais, sa mise au pas de l'Inquisition et la campagne anti-jésuite ont facilité le passage d'une théologie scolastique à une théologie positive, d'une ecclésiologie favorable à la primauté du pontife, à une ecclésiologie épiscopaliste, d'une morale issue de la casuistique probabiliste, à une morale de la rigueur évangélique prise dans l'Écriture et dans la tradition. On peut sans doute souligner les analogies du jansénisme portugais de la deuxième moitié du siècle, et Catherine Maire l'a déjà fait, avec le jansénisme étatiste qui opère dans le domaine joséphiste des Habsbourg. Loin d'être en opposition avec le système absolutiste comme c'est le cas en France, cet autre jansénisme est moins querelleux et plus épiscopaliste. Il semble accompagner les politiques régalistes et réformatrices des princes et ministres éclairés en Autriche, en Italie, en Espagne et aussi au Portugal. Je pense donc que la question du jansénisme a des relations lointaines avec ce mouvement appelé Jacobaïen, surtout en ce qui concerne ses débuts. À Jacobaïen, on discute encore l'origine du mot. Il y a ceux qui pensent qu'il dérive du nom d'un frère appelé Tiago. Jacob, Jerônimo de Santiago, en portugais, donc peut-être Jerônimo de Jacob, et d'autres qui soulignent la relation du mouvement avec une sorte d'échelle de perfection et donc avec l'échelle de Jacob. C'était un mouvement de réforme ou de renouvellement de la vie religieuse qui commença au Collège de Grâce de Coimbra au début du XVIIIe à l'initiative du frère Francisco da Anunciação, et développé plus tard par de nombreux monastères des autres ordres réguliers, bien qu'on soit encore capable de dresser avec précision la géographie de la Jacobaïen, ses places précises. Son inspiration fondamentale était d'observer scrupuleusement les principaux religieux du catholicisme entre les clergés et les séculiers, en essayant d'approfondir un rituel plus spirituel et antérieur qui, dans les deux cas, a stimulé la pratique quotidienne de l'oraison mentale, l'examen régulier de la conscience individuelle, la correction fraternelle du pécheur, la fréquence des sacrements, avec un accent particulier sur la confession, la mortification des vices et des passions désordonnées, le jeûne, le mépris du monde, la pauvreté de l'habit et la frugalité des repas. Ce projet misait énormément sur la formation et la conduite du clergé, visant ainsi la vie religieuse et morale du royaume dans un effort de réforme et de renouveau spirituel. Dans l'un des textes issus de la plume du père Francisco de Annunciação, auteur d'un ouvrage qui fit époque, qui s'appelait « Vindicies de Virtute », Lisbonne 1702, il nous est possible de suivre sa pensée, et je cite dans une traduction, plus ou moins. « La vie spirituelle est une des bonnes œuvres par laquelle nous servons Dieu, par l'amour de Dieu, et grandissons en vertu et sainteté. Les exercices fondamentaux de cette vie sont l'oraison mentale quotidienne, les examens de conscience, la fréquence possible des sacrements sur lesquels s'en fondent d'autres aussi utiles que louables, tels que la présence de Dieu, les oraisons jaculatoires, la mortification des vices, l'abnégation de la propre volonté et d'autres actes divers de vertu. » Et, un peu plus loin, il poursuit en expliquant la façon dont il faut uniformiser la vie du croyant. Le chrétien se devait de choisir un confesseur et ensuite, le soir, commençons par là, parce que c'est un bon exemple, avant de se mettre au lit, il fait un examen de conscience où il en appelle toutes ses ressources à jugement afin de savoir le bien et le mal qu'ils ont ou non fait. À ce stade, il se sent confondu, s'en accuse et répond de fautes, omissions et négligences commises. Du bien qu'il a pratiqué, il rend grâce à Dieu, se propose de l'augmenter et de vivre le lendemain en tirant meilleur profit. Il prépare, en lisant s'il en est capable, sinon en y méditant, un point précis de la passion du Seigneur ou d'une autre vérité catholique. Par exemple, l'enfer... l'enfer, le jugement dernier, la mort, etc., en vue de la prière du lendemain. Il se couche et s'endort sur ses très bonnes méditations et sur d'autres saintes pensées qui lui inspirent la dévotion, la ferveur et la coutume. Le matin, il se lève à l'heure adéquate. Il se remémore aussitôt le point médité la veille. Une fois prêt, il donne grâce à Dieu, se recommande à son ange gardien, invoque les saints de sa dévotion, prend certains pour patrons spéciaux de sa journée et commence finalement son oraison mentale. L'entendement vient dans la méditation, la considération, la pensée, la pondération, la persuasion avec des raisons, des arguments et des discours qu'il creuse afin d'incliner sa volonté vers la fuite du mal, du vice et d'embrasser le bien de la vertu. À l'entendement s'ensuit immédiatement la volonté, en forgeant des émotions, des affects, des intentions, des résolutions, des tendresses et d'autres actes, ou celles qui se voient la plus inclinée avec l'efficacité du désabusement, ou de ceux qui lui sont les plus nécessaires à l'enracinement de la vertu qu'il recherche avec forte anxiété et au déracinement du vice qu'il affronte avec plus de force encore. Il y ajoute des prières, des actions de grâce, des offrandes, par quoi il se consacre à Dieu et s'en remet à lui. Et plus loin, sur ce, il se doit se plier aux obligations de son état et le moment venu, selon la distribution fixe des heures, il fait à la mi-journée un autre examen de conscience et prend un autre espace de prière, fait ses dévotions orales, toutes particulièrement à Notre-Dame. Il va de la sorte, formant dans cette vallée de larmes une échelle pour atteindre le ciel. Ce mouvement, dont j'ai résumé les principes, atteignit la cour royale de Don Juan V, en particulier par l'action de Fray Gaspar d'Encarnação, qui devient, sous l'influence de Fray Francisco d'Annonciação, un vrai jacobio. Et de ce fait, on peut dire que, disons que sa conversion, qui est du moment qu'il entre au Veretojo, il avait 30 ans, comme j'ai dit, a fait donc déclencher une vocation réformatrice que dans la cour, il ne faut pas oublier qu'il était un grand seigneur, cousin du roi, rejoigne par les préoccupations du prosélytisme le mouvement des missionnaires apostoliques franciscains. Il joua un rôle fondamental dans le choix des évêques du Portugal depuis le début des années 20 du 18e, en changeant radicalement la politique d'élection. Le changement principal et le plus important, c'est qu'à ce stade, une autre logique prévaudra et la culture du choix de l'épiscopat sera davantage fondée sur des critères plus politiques que religieux, ce qui implique un renouvellement profond du corps de l'épiscopat. On commence à privilégier pour occuper la place des évêques, des théologiens, des savants recrutés dans des bons instituts religieux dans lesquels la jacobaïa était plus vigoureuse, comme les Érémites de Saint-Augustin, les Franciscains du Veretoche, les Canons de Sainte-Cruz, les Cisterciens, les Bénédictins, en règle générale des hommes de grande piété et de vertu ancrés sur une conduite de vie exemplaire. Cette dimension de l'action de Fray Gaspar, qui est en même temps spirituelle et politique, on sait très bien aujourd'hui, suite aux recherches de José Pedro Paiva que je suis dans ce texte, combien Fray Gaspar influença le choix des évêques, même avant les années où on lui assigne, comme l'historiographie libérale du 19e avait l'habitude de le faire, la tutelle sur un roi bigot affaibli par la maladie. Parce que Fray Gaspar se trouva à la base de la décision politique du choix de plusieurs évêques jacobéos. Miguel da Anunciação, issu lui aussi d'une noble famille, pour Coimbra. Miguel de Távora, de la famille des Távoras, qui quelques années plus tard, en 1759, verra son chef supplicié, considéré coupable avec les jésuites de l'attentat contre le roi. Pour Évora, Frei Inácio de Santa Teresa, qui comme évêque d'Algarve joua un rôle important dans la diffusion du programme. Dom Frei José Fialho para a Guarda, Dom Frei Manuel Coutinho para l'Amigo, Dom Júlio Francisco de Oliveira por Viseu. Si l'on connaît mieux à présent cette mise en contexte montrant les enjeux politiques de Fray Gaspar, d'après les études de José Pedro Paiva et Everton Salles de Souza, il faut aussi voir que Fray Gaspar voulait sans doute créer aussi un réseau dévot constitué également par la première noblesse de cour. José Adrien de Carvalho s'est penché sur un texte appelé Instruction, écrit dans les années 40 par un noble de la première noblesse de cour, le marquis de Valença, qui est, on peut le dire, cela me semble, une sorte d'avertissement à son fils pour la conduite à la cour, avec un accent très net sur le comportement moral et spirituel dans la tradition des textes un peu à Duzon Delfini, dans lequel on peut aisément lire des conseils Orlan Jacobio. On ne connaît pas aussi bien l'application d'un programme politique en faveur de la réforme des mœurs et des consciences, à même de transformer le temps de Don Juan V et considérer le roi comme un roi dévot, légitimant sa souveraineté et l'affirmation de son pouvoir. Il est intéressant de voir, par exemple, comment le programme de la Jacobaye pouvait rejoindre les soucis politiques avec le luxe et les lois pragmatiques contre la consommation excessive. En 1749 est décrétée une loi dite pragmatique visant à contrôler les luxes superflus et qui, comme d'habitude, signalait les tissus, les modes et tout ce qui était interdit. Toutefois, le texte disait carrément que nenhuma das disposições desta lei, traduit, nulle disposition de cette loi n'est censée s'appliquer aux églises, aux cérémonies de culte divin. C'est-à-dire que la richesse et le faste des processions ne devaient pas en aucune façon être affectées. En tout cas, et dans le point de vue de ce colloque, la figure de Frei Gaspar, même si je le souligne de nouveau, on aurait absolument besoin d'identifier avec précision les liaisons familiales entre ces membres de la noblesse de cour et de la noblesse de l'Église. Ces très importants réseaux de sociabilité, de dresser le bilan de l'épistolographie, des instructions pastorales, des sermons, des satires, de tous les ouvrages de spiritualité, peut-être un bon exemple d'un religieux noble, on ne peut pas l'oublier, il était cousin du roi, qui est mis au centre d'une action d'un réseau d'influence qui va structurer les milieux dévots et ecclésiaux et qui a profité de sa proximité du roi et de son rang familial pour diffuser un programme spirituel d'action rigoriste. Yusla se voit mieux. Et je résume, c'est précisément dans le conflit qui a opposé ces évêques, les évêques qu'il a nommés, au tribunal de l'Inquisition et que José Pedro Paiva et Everton Salles ont très bien étudié. Et donc, je fais un tout petit résumé. Revenons sur la Jacobaye. Pour bien comprendre ce qui est arrivé et pour bien montrer un exemple du rôle central de Frei Gaspar, il faut voir que... La Jacobaye mettait beaucoup l'accent sur le ministère de la confession. Et pour l'importance que ce mouvement donnait à la confession fréquente, il a déclenché une querelle dite du sigillisme, puis un néologisme pour désigner l'abus de ceux qui violent le secret de la confession et qui étaient appelés sigillistes, qui a opposé l'Inquisition, soutenue par le patriarche de Lisbonne, Dom Tomás de Almeida, et ses évêques nommés par l'influence de Frei Gaspar da Encarnação. Il s'agissait, bien sûr, d'une dispute par le pouvoir. Et les lettres écrites à ce temps parlent du parti des évêques et du parti de l'Inquisition. Vraiment, au centre du problème était une question juridictionnelle qui débattait très violemment les compétences du Saint-Office ou des évêques sur ce délit attribué aux Jacobeus et que ceux n'ont jamais accepté. Les évêques, comme d'ailleurs tous ceux qui sont opposés à l'édit du Saint-Office qui mettait sous sa juridiction étendue à tout le territoire portugais la connaissance et le jugement des crimes contre le sacrement de la pénitence, n'ont jamais soutenu une doctrine contraire à celle qui condamne l'abus du secret de la confession. L'objet de la contestation, c'est la compétence du tribunal inquisitorial dans ce domaine. La dimension qui prend l'affaire, d'un côté l'Inquisition, d'autre les évêques, pendant la dernière moitié des années 1740, n'aurait peut-être été la même, et je suis de nouveau Everton Salles de Sousa que j'ai souligné, sans la conjoncture politique de la fin du règne de Dom João V. En effet, le roi, affaibli par l'apoplexie, subie, comme j'ai dit, en 1742, n'était plus le même. Il n'a pas pris parti entre l'inquisiteur, le cardinal Nuno de Cunha, qui avait déjà eu des problèmes avec un évêque Jacobeu de Goa, Inácio de Santa Teresa, et Frei Gaspar da Encarnação, qui avait justement nommé cet évêque. Il a laissé à l'autorité romaine la responsabilité de décider la question qui, avec le temps, prenait de plus en plus le caractère d'un différend entre l'Inquisition et les évêques du royaume. La centralité, ou la, disons la neutralité du monarque précipite les partisans de l'un et de l'autre parti à Rome qui s'engagent dans une bataille juridique, vraiment. Et c'est cela qui m'intéresse le plus maintenant. Il s'agit d'un conflit de pouvoir et de force politique. Ces évêques, qui étaient au centre du problème, étaient des protégés de Frégaspard d'Incarnation. Ils étaient en même temps presque tous membres de la haute noblesse que Frégaspard avait choisi lui-même comme diffuseur d'un programme de renouvellement spirituel et qui avait son centre à la cour où était Frégaspard. Et s'il avait réussi, et je cite nouveau Zé Pedro Paiva, à nommer au premier temps, après sa conversion, des évêques à Outre-mer, qui sont les premiers qu'il nomme. Après 1740, dans une période où les dissensions entre la couronne et Rome ont laissé des places libres, il a réussi de nouveau à nommer des évêques jacobéens, engagés par les réformes, qui appartenaient à la haute noblesse et qui étaient très bien préparés du point de vue, disons que... fréquenter l'université. Si l'on pense que l'inquisiteur général dont Nuno da Cunha Ataíde appartenait lui aussi à la noblesse de cour, on voit bien comme les affaires politiques et religieuses, ou surtout spirituelles, se sont tellement mélangées dans l'enjeu des forces et du pouvoir dans la cour. Cette fois, d'une certaine façon, Frégaspard d'Incarnation a gagné le combat, se montrant un exemple parfait du pouvoir d'un religieux, de la haute noblesse, bien sûr, à la cour. Mais quelques ans plus tard, Frégaspard était déjà mort, il y avait des années, en 1768, Sebastião José de Carvalho e Melo, futur marquis de Pombal, a réussi à faire paraître des jacobéens une secte, et je cite, « si infecte que les jésuites », pour reprendre les mots du temps. Et à ce moment-là, le destin a changé. Et Dom Miguel d'Annunciação, qui avait suivi Frégaspard comme nouveau chef du mouvement de la Jacobaya, a été emprisonné jusqu'à la mort du roi José I en 1767. Les temps n'étaient plus les mêmes, c'est vrai, mais le pouvoir de l'Inquisition est resté définitivement affaibli. Merci.